بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول اليوم في آخر حديث من هذا الباب, باب الأذكار بعد الصلوات. كيلو داني درس طعمي لأذكار كيسون دي أبقى الصلوات مكتوبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 126 بعد 126 حديث. سنو يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. Donc Abu Huraira dit que les pauvres parmi les muhajirin sont rendus auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit au message d'Allah, les gens riches vont vers les degrés les plus hauts et les plus grands délices. Ils ont les plus grands biens. Et le Nabi Salam dit comment cela? Il dit qu'ils font la salat comme nous, ils jeûnent comme nous, et ils peuvent faire aumône alors que nous pouvons le faire, et ils peuvent libérer des esclaves, affranchir des esclaves alors que nous ne pouvons le faire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. Donc il a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose par laquelle vous pouvez rattraper ceux qui vous ont devancé et que vous pouvez devancer ceux qui sont derrière vous, et que personne ne pourra être meilleur que vous sans celui qui aura fait comme vous. Ils ont dit, si, au messager d'Allah. Il a dit, alors vous faites le tasbih, et le takbir, et le tahmid, c'est-à-dire le tasbih, le fait de dire subhanallah, et le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, c'est le fait de dire alhamdulillah, après chaque salat, d'accord, 33 fois. De le dire, 33 fois. فَقَالَ فَرَاجَهَ فُكَرَاءَ الْمُهَجِّرِينَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Donc après ils sont revenus auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم pour lui dire que les gens riches également font comme nous. Les gens qui ont de l'argent font comme nous. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit ça c'est la grâce d'Allah, il accorde à qui il veut. قال سمي حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت وإنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. Et que l'un des tabi'i justement a dit qu'il a cité ce hadith à certains de ses proches, ils l'ont dit, tu as mal compris. Et en fait, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu fais le tasbih 33 fois. Et tu fais le takbir 33 fois. Et tu fais le tahmid 33 fois. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قُلْ أَللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ 33. Et qu'après ce, tabi'i s'est rendu auprès d'un autre tabi'i, qui a entendu, c'est lui qui a entendu le hadith d'Abu Huraira, et lui a dit ce que lui ont dit ses proches. Et il a dit, tu dis Allahu Akbar et Subhanallah et Alhamdulillah en sorte que toutes entre elles atteignent 33 fois. Toutes réunies atteignent 33 fois. Rapporté par Muslim. Donc le rapporteur de hadith, c'est Abu Huraira. Mais les tabi'in qui ont rapporté de lui sont Sami ou Abu Abdullah al-Madani, et également Abu Salih Zakouan al-Madani, qui est nommé Samman, car il vendait de l'huile. Samman ou Zayyat, car il vendait de l'huile. Et c'est eux qui ont entendu le hadith, plutôt c'est Abu Salih qui a entendu le hadith d'Abu Huraira. Et Abu Huraira, ma'rouf, on a déjà cité sa tarjama auparavant. Yaqulu, mordou le hadith, bayan nour min askar barze farida. Donc le sujet du hadith pour montrer certaines façons de faire les askar après les salats obligatoires. Yaqulu fi sharh al-ijmali dans l'explication globale du hadith. Kana sahabatu ahras al-ummati ala sabaq ila al-khayr wa ashadduhum tanafusan fi وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن النموذج من ذلك جرى من فقراء المهاجرين الذين رأوا أن الأغنياء سبقوهم حيث شاركوهم في الأعمال البدنية من صلاة وصوم وفضلوهم في الأعمال المالية من صدقة والعتق المحروم. طيب والعتق المحروم منها الفقراء لعدم المال عندهم. دونك لا les sahaba étaient les gens les plus soucieux de la umma à aller de l'avant dans le bien, à se devancer dans le bien et à se concurrencer dans le bien. Et Abu Huraira informe en cela justement d'un échantillon de ce que les sahaba ont fait parmi les pauvres des muhajirines qui ont vu que les riches les ont devancés du fait qu'ils, comme eux, ils font des actes corporels comme la salat, comme le jeûne, mais qui les ont devancés, ils ont été meilleurs qu'eux par les actes financiers, par les biens qu'ils ont, du fait qu'ils peuvent faire des aumônes, des sadaqas, et libérer des esclaves dont sont privés justement les pauvres des muhajirines, du fait qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. فَعَلَمَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ يُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَهُمْ وَيُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ دُونَهُمْ وَلْيَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ أَفْضَلُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a informé d'un acte par lequel ils pourront devancer ou rattraper ceux qu'ils ont devancés, ou devancer ceux qui sont derrière eux. Et que personne ne pourra être comme eux, à part ceux qui auront fait comme eux, parmi les gens riches. وذلك أن يسبح الله يحمده ويكبره دبر كل صلاة مفروضة 33 مرة من كل واحدة حتى يبلغ المجموع 99 فذهب الفقراء بذلك فلما سمع به الأغنياء فعلوا مثله فرجعوا الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنع الأغنياء لعله يعلمهم بفضيلة يتميزون بها ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء سيصنعون مثل ما يصنعه الفقراء مرة أخرى قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حسب ما تقتضيه حكمته البالغة ولن يستطيع أحد أن يمنع فضله والله ذو الفضل العظيم. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a dit de faire le takbir et le tahmid et le tasbih et le tahmid et le takbir après chaque salat 33 fois chacun afin que le tout atteigne en fait 99. 33 fois de dire subhanallah, 33 fois de dire alhamdulillah et 33 fois de dire Allahu Akbar. Et les gens riches des Sahaba ont entendu cela, donc se sont mis à faire comme les gens pauvres. Donc les gens pauvres sont rendus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, afin qu'il leur donne une chose par laquelle ils puissent se distinguer. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait que même s'il leur informait d'une chose nouvelle, les riches également la feraient. Donc il leur a dit, cela est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut, et que personne ne peut l'empêcher. Naam. يقول من فوائد الحديث قبل الزمن قلت الحديث مشروعية قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة دبور كل صلاة مكتوبة. le fait qu'il soit légiféré de dire ces أذكار là après la salat. ثانيا فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله ونفع عباده. Que ce monde le montre la valeur de l'argent et son mérite lorsque celui-ci est dépensé dans l'obéissance d'Allah et dans le profit de ses serviteurs. ثالثا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق لما فيه رفع الدرجات في الآخرة qui montre que le souci que le sahaba a apporté dans le devancement dans le bien pour cela, parce que cela inclut comme justement élévation en degré dans l'au-delà. رابعا جواز غضب الغير بما أنعم الله عليهم لمنافسته لا لقصد زوال النعمة عنه qui lui permet justement de pouvoir envier quelqu'un d'un bienfait que Allah lui a donné avant de pouvoir le concurrencer dans ce bien et non pour ne pas qu'il perde ce bien là. C'est-à-dire qu'ils ont envié les gens riches pour le bien qu'ils faisaient et non pas pour le fait qu'ils ont de l'argent seulement. Ce qui prouve que les Sahaba ne désiraient pas avoir plus d'argent pour être plus riches que les autres, mais pour pouvoir faire du bien avec cet argent-là. Donc ils n'ont pas envié les Sahaba du fait qu'ils ont des belles voitures, qu'ils ont des belles montures, qu'ils ont des belles maisons, des beaux vêtements ou des bonnes choses par leur argent. Non, du fait qu'avec cet argent-là, ils peuvent faire des adorations comme le sadaqa ou le fait d'affranchir l'esclave ou les zalika qu'eux ne peuvent pas faire. Donc ça, c'est une envie qui est louable. qui est très louable, contrairement à l'envie qu'on a aujourd'hui, qui est juste liée au confort et à la dunya, au bien matériel. Wara al-musta'an. Khamisan, fasahat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa jazalatu lafzihi. Ce qui montre l'éloquence du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sa sagesse, du fait qu'il leur a sonné la chose, et au final, pour les consoler, pour leur dire que c'est Allah qui a donné cela à qui il veut. D'accord ? Et donc, quand on sait que c'est Allah qui l'a donné, que c'est une hikmah derrière, tout le monde s'y soumet et l'accepte. Hadha allazi khamna al-yawma min al-hadith, wa alhamdulillahi rabbil alamin.